Les Brésiliens sont en blanc, à Médipolé. Ça c'est but, fabuleux. On retraite, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de la bande à Baggio. On va revenir un petit peu sur l'actualité de la semaine. Hein. Puis un grand merci encore de nous écouter tous. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis un bienvenue à tous ceux qui découvriront ce podcast. Avec moi ce soir, j'ai Gabi. Salut Gabi. Bonsoir à tous. J'ai Florian. Salut Florian. Salut à tous. Et puis j'ai Joseph. Salut Joseph. Salut tout le monde et salut à tous les éditeurs. Voilà, donc on va commencer avec la Ligue 1. On a eu une bonne journée de championnat la semaine dernière, enfin bonne, niveau au moins au niveau du contenu, avec aucun 0-0. Il y a eu des buts, il y a eu pas mal de buts, surtout pour Strasbourg-Marseille, on en reviendra tout à l'heure. On va commencer avec le match de vendredi, Lyon qui recevait Monaco, hein, c'était un choc quand même de cette 9e journée. Et qui a vu l'Olympique Lyonnais s'imposer dans les toutes dernières secondes du match, 3-2 face à cette équipe monégasque. Et donc Monaco qui perd de nouveau des points sur le leader. Tu as vu le match, Joseph, de ce Monaco? Oui, j'ai regardé. Ouais. Ouais, et alors, ton sentiment, ouais. Alors, en préambule déjà, avant de parler du match, je vais juste parler de l'organisation du championnat. Ouais. On se plaint souvent des difficultés de nos clubs à performer en Coupe d'Europe. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut placer un choc comme Lyon-Monaco entre une semaine internationale et un match de Ligue des Champions. Donc ça aide pas forcément les monégasques à aligner une équipe compétitive pour ce match-là. Sans dire que ça a été bradé, parce que même s'il y avait un côté un peu bricolage, il y a quand même du jeu qui a été proposé. Quand je dis du jeu, bon, c'est en mettant quand même en perspective le scénario du match, parce que c'est vrai que Monaco a surtout couru après le score, même si en deuxième mi-temps on a quand même eu des choses pas mal. Ouais. Et je trouve que c'est bien payé pour Lyon sur l'ensemble du match, on va dire. Sur l'ensemble du match, de gagner ce match à la dernière minute. Quoi. Surtout que le coup franc, je sais pas si vous vous souvenez, bon, c'est justement Fekir. Bah, pour moi, bon, il y a coup franc, mais il fait tout pour avoir ce coup franc. Pour moi, il fonce un petit peu sur le défenseur. Il obtient une faute qu'il avait vraiment voulu, quoi. C'est pas une faute du désespoir dans les dernières secondes. Là, c'est vraiment un truc qui était déjà calculé, quoi. Bon, après, le coup franc, il avait une chance sur deux pour le mettre. Il l'a mis et puis voilà, quoi. Donc c'est quand même dommage pour Monaco, ouais, d'en arriver jusque là, quoi, de perdre sur ce coup du sort, quoi. Bah, surtout qu'il y a je vais me dire deux balles de 3-2 entre le gros loupé et je crois que c'est Tillmans qui tente pas le lob de loin quand Lopez sort de sa cage. Il y a tellement d'occasions de tuer le match qu'à un moment quand on est monégasque, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Ouais. Mais en tout cas, malgré la défaite, ce qui est rassurant, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, il y a quand même du potentiel dans cet effectif et surtout à un moment faut arrêter de vouloir avoir la même chose que l'année dernière, parce que de toute façon c'est pas possible, c'est plus les mêmes joueurs, c'est plus le même état d'esprit. C'est une nouvelle histoire qui se construit et voilà, c'est peut-être mon côté supporter, mais j'ai envie de croire à des jours meilleurs. D'accord. C'est sûr que ça peut aller que mieux dans le futur. Justement, c'est ce match de Lyon. Voilà. Et justement, c'est ce match de Lyon qui me rassure. Voilà, enfin, on a montré que même sans Falcao, ben, on a pu mettre deux buts. Ouais. On a Baldé qui commence à. T'as Baldé qui commence à monter en puissance et à enchaîner les matchs. Parce que c'est vrai que le fait d'arriver sur le tard, bah Jardim l'a pas forcément lancé dans le bain tout de suite. Un peu comme Jovetic, en plus voilà, pas de chance quoi. Quand je parlais de la trêve internationale, bah, en fait on a des mecs qui arrivent blessés, donc ouais. ça nous aide pas non plus. Et que du coup ils rentrent pas dans la rotation. Mais ça donne des signes d'espoir. Limite, j'ai plus d'espoir pour Monaco que pour Lyon. Ouais. J'ai l'impression que Lyon c'est ce genre d'équipe qui se la raconte, mais qui ont du mal à faire le job contre les petites équipes, mais par contre qui vont bomber le torse devant les grandes. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, ben pour moi, Lyon, ils ont fait que deux bons matchs depuis le début de l'année. Bah, c'est contre Monaco et contre Paris. Bien sûr. Ouais. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Flo, les gars, je vous laisse libre parole, allez-y. Bah, tu veux que je parle, Flo, ou attends, tu veux vas-y, commencer? Vas-y, je reprendrai derrière toi, vas-y, t'inquiète. Ouais. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que ce match-là, en fait, il se joue à rien finalement, parce que Monaco, ils reviennent hyper bien dans le match. Et ils sont limite très proches du 3-2 en fait. Et on voit que bon physiquement vers la fin du match il y a une petite baisse de régime et puis ils se prennent ce coup franc. Mais c'est pas un match, je trouve, c'est pas un match référence pour Lyon, parce que finalement, comme dit Joseph, Lyon c'est pas une équipe qui fait des bons résultats depuis un moment. Ils arrachent les matchs grâce à Fekir qui revient en forme. Ouais. Parce qu'il veut ça se voit qu'il veut vraiment réintégrer l'équipe de France. Hein. Il faut pas se le cacher. Quoi. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Nico. Ah bon? Je vous montrerai après. Ouais, ouais. Si tu veux, ouais. Et donc, ouais, c'est un match qui joue à rien. Et j'ai pas l'impression qu'il faut s'appuyer sur ce match-là pour Genesio et pour les Lyonnais quoi. Et après bon, le bashing qu'il y a eu, faut en parler aussi du bashing qu'il y a eu du public lyonnais contre Genesio pendant tout le match, au moment justement Monaco revient à deux partout. Ouais. Les insultes qui fusent dans tous les sens, à un moment donné il y a des journalistes, ouais voilà, la banderole, avec Olas qui dit que c'était pas le moment de sortir la banderole à ce moment-là du match, à cause de ça ils ont failli perdre. Bon, voilà, s'il est gentil, il exagère un peu toujours tout, quoi. Mais il faut dire aussi que t'as vu Nico, hein, quand tu m'as parlé du match, ouais. Tu me disais il y a personne dans le stade. Ah non, mais le encore... début de match, le stade était vide pour moi. Hein. Ils ont pas montré le dessus du stade, mais ils ont bien montré le stade en dessous. Et pendant les 10 premières minutes, il y avait personne, quoi. Alors après, ça s'est un petit peu rempli. Garni. C'est un peu garni, mais je trouve que ça pas non plus. Le stade n'est pas plein à chaque match, quoi. C'est dingue quand même pour. Alors bon, ouais, c'est sûr qu'il est plus au même emplacement qu'avant. Hein. C'est plus au même. Avant Gerland, il était dans Lyon même. Là, il est à côté de Lyon. Hein. Il n'est pas dans Lyon même. Hein, c'est ça, je crois. Hein. Il est pas ouais, du là, tout. Ça dessine. Ça dessine. Voilà, ouais. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de kilomètres à faire pour les supporters qui sont dans le Lyon intramuros. Mais c'est pas un match qui doit jouer le vendredi. Quoi. Mais enfin, c'est pas un pour moi ce match-là, malgré tout, qui est les journées européennes. Pareil, pourquoi avoir programmé ce Lyon-Monaco une semaine où il y avait des matchs européens? Je pense que ce match-là peut se jouer le dimanche soir. Parce que je l'avais déjà dit, le Strasbourg-Marseille, pour moi, c'est pas une affiche du dimanche soir. Ça, d'accord, ça peut être une affiche du vendredi soir ou du samedi à 17h. Mais ouais. Voilà, ça c'est pas un match, comme tu dis, Joseph, c'est pas un match à jouer le vendredi soir, c'est pas possible ça. C'est encore une erreur de la LFP à vouloir, et puis bah, surtout pour faire plaisir aux télé, quoi. C'est juste ça en fait. Hein. Ouais, Canal Plus et Marseille. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, et toi Flo, alors justement, ton sentiment sur ce match? Le sentiment sur le match, c'est que. Bah, j'ai l'impression que Lyon c'est un peu bougé par rapport au fait que Genesio, j'avais entendu parler que Genesio était un peu avait un mois pour faire ses preuves quoi. Par rapport à Jean-Michel Aulas. Mais bon après oui, ils ont arraché la victoire, tout ça, mais j'ai l'impression que Lyon va faire une bonne série en ce moment par rapport à la pression que Genesio il peut avoir de la part de son président ou du public. Oui. Après, concernant Monaco, j'aurais juste deux questions à poser à Joseph. Ouais, c'est par rapport à Keita Baldé, parce que ouais. J'ai vu le match de mardi, je l'ai pas trouvé si terrible que ça, et par rapport à Rachid Ghezal, je voudrais savoir pourquoi, depuis 2-3 matchs, on ne voit plus, il est blessé, il a quelque chose. Alors pour Keita Baldé, en fait, où il est intéressant, après, je pense que c'est lié à son jeu. C'est un jeu en prise de risque en percussion et c'est vrai que c'est un mec qui découvre mine de rien la Ligue des Champions donc il est peut-être pas prêt à ça. Je pense que ça peut peut-être expliquer la prestation de mardi, mais même quand tu regardes le match de vendredi, voilà, enfin il est décisif sur la passe pour Ronny Lopez. Mais ouais. Mais tu sens, toi, même si j'aime pas trop l'argument du potentiel. Voilà, on sent que c'est un mec quand même, il monte en puissance. Et je sais que je le dis souvent, c'est un gars, il est arrivé en fin de mercato. Il a pas encore pris la mesure, je pense, de ce qu'il peut apporter dans l'effectif. Et j'ai confiance. C'est vrai que il y a une espèce d'inconstance dans le match, mais tu sens que sur une action ou deux, il peut faire la différence. Et c'est en ça en fait où c'est rassurant. C'est qu'aujourd'hui dans l'effectif monégasque, justement, c'est le seul qui a ce profil là. Pour Ghezal, moi j'ai cru entendre que Jardim n'était pas forcément content de ce qu'il voyait en entraînement. Mais j'ai pas plus d'infos de là de ouais. Ça. Apparemment, il y aura un problème de comportement. Je vous cache pas que nous, dans notre groupe de supporters, quand on a vu la signature de Ghezal, justement, on était un peu mitigé. Avec d'un côté, reconnaître que c'est un mec qui a quand même des qualités, et de l'autre côté, le côté un peu tête de l'art. Et j'ai même rajouté un troisième élément, le côté je sors du moule lyonnais. Et en général, les mecs quand on les sort de ce moule-là, c'est un peu compliqué de les transposer les qualités qu'on peut voir quand ils sont à Lyon ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour Fekir. C'est une des raisons pour lesquelles justement j'ai un peu des doutes sur le côté il peut avoir sa place en équipe de France. C'est que c'est peut-être un peu rapide aujourd'hui. C'est vrai, parce ouais. Que il va être au-dessus du lot, mais dans le contexte lyonnais. Et on se rend compte de plus en plus que le niveau international, c'est pas si simple que ça. Et que je pense qu'il est peut-être encore un peu tendre, Nabil Fekir, pour intégrer l'équipe de France. Et j'aimerais ajouter là-dessus, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais bon, si c'est pour avoir Tovin sur le banc, autant mettre Fekir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un mec comme Fekir, il est prêt à aller sur le banc? Est-ce que pour l'équilibre du groupe France, ça va pas mettre le bazar si... Ouais, parce que lui, ce qu'il veut, c'est être titulaire en équipe de France. Lui, c'est réintégrer l'équipe de France, mais en étant titulaire indiscutable, quoi, en fait. Non, c'est pas... Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, pas forcément lui. Mais pas forcément lui, mais après, la pression médiatique autour, je pense que... De toute façon, on l'a vu. De toute façon, vous avez dû voir, pendant tout le week-end, il y en avait que pour Fekir, quoi. C'était limite gênant. C'était limite gênant parce que même si l'équipe de France n'était pas forcément terrible, ce qui a été fourni comme prestation, on aura pu retenir que on n'a pas eu besoin de Fekir pour se qualifier. Donc en quoi il sera indispensable? Non, pas indispensable, mais utile. Qui prend la place d'un autre, quoi. Non, mais après, pas indispensable, tu vois, Joseph, mais utile, je pense, dans certains, ouais. Un certain contexte, parce qu'au milieu de terrain, si tu vois l'équipe de France, t'as pas mal de défensifs, hein. Pogba, c'est pas forcément un mec, tu vois, qui prendrait la place de Payet non plus, tu vois. Il y a personne pour remplacer Payet à la limite, si jamais il est blessé ou quoi. Enfin, si Payet revient en forme, ouais. Hein, c'est toujours une hypothèse. C'est ça, le truc, oui. Mais il va le revenir en force, c'est obligé. À un moment donné, il va se préparer pour la Coupe du Monde, il va faire l'effort, je pense. Hein. Il va pas rater une Coupe du Monde, Payet. Hein. Ouais. Mais tu vois, il y a personne pour remplacer un mec comme Payet. au même poste, parce que Moussa Sissoko, c'est bien tout ça, mais je veux dire, techniquement, c'est assez faible. Hein. Fekir, je pense, dans un match, il peut rentrer sur un côté à la place d'un Mbappé fatigué ou d'un Lemar, tu vois. Il n'y a pas d'équivalence après, voilà. Sur le banc. En fait, voilà. Je pense que dans le dernier rassemblement, voilà, on en avait parlé d'ailleurs. Je pense que Deschamps, pour moi, il doit pas prendre Lemar parce qu'il revient de blessure. Il est pas prêt. Et justement, pour rebondir après, pour rester sur Monaco, je pense que ça soit Jardim ou Deschamps, ils sont en train de le tuer Lemar. Tu peux pas faire revenir un mec aussi vite de blessure, aussi bénigne qu'elle soit, et le faire enchaîner autant de matchs d'affilée. Et tu sens, enfin, un mec comme lui qui a une caisse, enfin qui a une telle caisse, on l'a vu l'année dernière. On peut pas être cramé au bout d'une heure à chaque match, quoi. C'est que le mec il est pas prêt, et voilà. Et où je peux vous rejoindre, voilà, Fekir il aura pas fait tâche côté gauche contre la Biélorussie. Mais voilà, mais de là à le présenter comme aujourd'hui un mec indispensable à l'équipe de France, comme j'ai pu entendre pendant tout le week-end, enfin Nabil Fekir, à part dans le championnat de France, on n'a pas vu ce qu'il vaut, quoi. Oui, et puis bon, de toute façon, ça se trouve, il va être très bon là, c'est cette période-là, et puis on va plus le revoir après la trêve hivernale, par exemple, aussi, hein, c'est possible. Hein. De toute façon, en France, on s'enflamme trop sur le truc au bout de deux matchs. Ça y est, si c'est un jeune au bout de deux matchs, c'est le futur Zidane. Si le mec qui revient en forme au bout de deux matchs, oh putain, oui, mais lui, il va être en équipe de France, il va nous faire du bien. Non, faut attendre sur le long terme, savoir ce qu'il va donner. Ça. Voilà, mais à chaque fois, faut toujours s'enflammer sur ça, quoi. Donc c'est quand même dingue. Voilà. Bon, il y a quand même. Tu sais ce qu'il faut. Excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais, tu sais ce qu'il faut espérer, c'est que Fekir ne soit pas, en fait. Je veux dire, faut pas qu'il se mette la pression pour se dire, tiens, je vais être le nouveau Benzema de l'équipe de France, par exemple, prendre la place de Benzema qui est plus là. Tu te rappelles de Loïc Rémy qui voulait prendre la place de Thierry Henry, dans l'esprit, il s'est cramé tout seul. Ouais, il s'est cramé, ouais. Et là, maintenant, il est où? Il est à Crystal Palace, maintenant, Loïc Rémy. Non? Je sais plus où il est. En fait, voilà, il est un peu perdu, maintenant, Loïc Rémy. Il s'est vraiment perdu, en fait, ce mec-là. Voilà. Il y a quand même le but d'Adama Traoré qui est formidable, sans déconner, quoi. Ce but, cette frappe, voilà, j'ai vu sur Canal, là, j'ai vu juste après le match, là, ça doit être le late show, je crois, c'est ça, non? C'est un truc comme ça? Ou c'est le lundi, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, non, c'était juste après le match. Ou juste après le match. Voilà, alors ils ont leur nouveau système de statistiques. Voilà, ils aiment bien créer des trucs Canal maintenant. Leur nouveau truc de statistiques. Et ils disaient qu'il avait que 4% de marqué sur cet angle-là, en fait. Et... Ah ouais, il avait que 4%, ouais, voilà. Parce qu'il était vraiment dans un angle qui était très difficile déjà pour frapper. Et puis il y avait beaucoup de défenseurs devant le but, et il a quand même réussi, malgré les 4%, à marquer. Ouais. Franchement, celui-là, il est vraiment très très beau, quoi. C'est impressionnant. Et ils ont fait le pourcentage de celui qui l'a raté? Non. Parce que malheureusement. C'est parlant d'être le tournant du match, hein, celui-là. Oui, je c'est pense vrai. Que je pense que si ça rentre, Lyon ne revient jamais. Ah oui. Voilà, et pour parler du match de Ligue des Champions, c'est... Bah, on y reviendra tout à l'heure, si ça te... On y reviendra tout à l'heure, si tu veux. On va parler de la Ligue 1. Donc, bon, on a vu Lyon, Lyon-Monaco. On va parler de Paris aussi, qui s'est difficilement imposé samedi dernier à Dijon. Ils ont eu énormément d'occasions, mais voilà, ils sont tombés soit sur le gardien, soit il y a eu d'énormes loupés... Et c'est vrai que, comme tu disais, Gabi, Dijon, c'est quand même pour le moment la seule équipe qui a réussi quand même à tenir vraiment tête à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc victoire 2-1 de Paris, mais vraiment très difficile. Vas-y, parle-nous un petit peu de ce match, Gabi, si tu veux. Ouais. Ce que t'en as pensé des Parisiens déjà. Non, mais c'est vrai, hein, ce qu'on disait, c'était que Dijon, pour moi, c'est tactiquement, en fait, défensivement, c'est l'équipe qui a tenu le mieux tête à Paris durant un match. Ils ont même failli réussir leur coup en égalisant avec une superbe reprise de volée là, aux 30 mètres là. Magnifique but, hein. Mmh. Et moi j'ai à un moment donné, première mi-temps, sincèrement, j'ai cru que c'était une rediff de Montpellier PSG, quoi. Parce que malgré le fait, tu sais, que le terrain était meilleur, et ben finalement le jeu n'était pas meilleur à Paris. Il y avait une espèce de nonchalance qu'on retrouve toujours avant les matchs de Coupe d'Europe pour Paris. Et j'étais assez déçu de la prestation des joueurs qui jouaient pas ensemble, un peu chacun pour soi. C'était un peu désespérant, quoi. Et pour te dire, là, tu vois, je suis en train d'essayer de repenser la deuxième période et j'ai du mal à me rappeler dans quel sens on marque. C'est Thomas Meunier, c'est ça, je crois. Thomas Meunier qui marque les deux buts. Voilà. Ouais. Et tu vois, c'est même pas les attaquants qui marquent. Non. Bah, ils ont été très. Enfin, je vois, Mbappé a été très très pâteau pendant ce match. Il a loupé, mais vraiment énormément de trucs. Je me souviens que Neymar, ben, vraiment, ça n'a pas été du tout son match parce qu'on l'a, on l'a pas vu. Presque pas vu du match. Alors après, hein, c'est pareil, les mecs, bon, il a joué aussi avec le Brésil, hein, et puis bon, bah, c'est pas un déplacement en Biélorussie ou voilà, hein, là c'était vraiment en Amérique du Sud avec le décalage horaire. Je pense qu'il y a quand même un temps d'adaptation à avoir, même s'ils sont professionnels. Je pense que c'est quand même un peu difficile de reprendre un match quelques jours après, quoi. Ah, c'est certain, ça. Et puis, il faut dire que dans ce stade, il y a une tribune qui est en construction également. Voilà. Donc, pour des mecs qui viennent du Brésil, qui ont fait des matchs pas possibles avec leur sélection dans des stades magnifiques, avec une ambiance surchauffée, ils se retrouvent à Dijon. Sans mépriser Dijon, mais t'es moins motivé, je pense. Hein, sûr, t'as la fatigue et t'as la motivation en moins. Ils ont mis 60 minutes à se mettre en jambes. Et je pense que ce match-là, il se finit sur 0-0 si personne marque à un moment. Et je pense aussi que Cavani a un petit peu manqué, je pense. Hein, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, qu'il est pas tôt devant le but ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je pense que Cavani aurait été efficace devant le but dijonnais. C'est exactement ce que je voulais dire. Quoi. Je pense que les gens ont du mal à se rendre compte de l'importance de Cavani dans le groupe parisien. Ouais. J'ai même rajouté deux choses. L'importance de Cavani. Est-ce que t'as vraiment besoin de Neymar pour un match contre Dijon? De vous avoir quelqu'un de moins fort mais de frais. Je pense que Paris aurait été plus efficace. Et le troisième point pour moi, c'est tu parlais de le problème d'efficacité de Mbappé sur ce match-là. Bah en fait, que ça soit Emery ou Deschamps avec l'équipe de France. Ouais. En fait, à le mettre systématiquement donc sur le côté droit, en fait le gamin il perd tous ses automatismes qu'il avait pu développer justement par rapport à son positionnement quand il était à Monaco. Mbappé pour moi c'est un second attaquant avec un mec dans l'axe, quoi. Ouais. Avec un mec dans l'axe. Et aujourd'hui Paris lui propose pas ça. Ouais. Paris lui propose pas ça et je pense que dans sa vraie position dans l'organisation en fait que lui il connaît et organisation dans laquelle il a explosé, je pense que contre Dijon il aurait été beaucoup plus efficace. Je sais pas ce que t'en penses, Flo. Par rapport au match de Paris, mais c'est clair que qu'il a fait tourner Unai Emery. Après, je comprends pas, comme vous dites, par rapport à Neymar, est-ce que c'est utile de le faire jouer sur un match pareil? Pourquoi pas faire jouer Lo Celso aussi, tu vois? Faire tourner, lui donner plus qu'un quart d'heure ou 20 minutes de jeu? Pourquoi pas lui faire le match entier? Le truc, je pense, c'est peut-être pas ça, mais tu sais, il y a quand même pas mal de monde qui vont venir au stade exprès pour Neymar. Alors ils ont fait le truc, ils l'ont pas fait jouer contre Montpellier parce que voilà, ils voulaient sûrement le faire souffler pour le match contre le Bayern. Ça devait être ça, hein, c'était contre le Bayern qui devait jouer. Enfin, il jouait à Montpellier avant de rencontrer le Bayern. Là, je pense qu'il voulait peut-être pas non plus à chaque fois qu'il faut se déplacer dans un club légèrement plus moins huppé, moins fort, ils le font pas jouer à chaque fois. Bon, je pense que les gens ils vont se dire, mais attends, à quoi ça sert que j'aille voir le match si Neymar y joue pas? Ça peut être une interprétation aussi, je pense. Ah, ça peut jouer, hein, pour le public qui n'est ultra du club qui reçoit. Voilà. Pour ajouter un peu à la théorie du coach Emery, qui n'arrive pas à imprégner son jeu, je trouve. Hein. Je sais pas, Emery, le jeu qu'il avait à Séville, j'ai du mal à le retrouver à Paris. J'ai l'impression qu'on le force un peu à... C'est ça qui pourrait expliquer le fait que tu vois encore Neymar sur le terrain, des choses comme ça. C'est qu'on le force à mettre des joueurs Et toi aussi, Joseph, t'as l'impression de ça? Ouais, ouais, parce que moi quand Emery est arrivé, je me suis dit, ça Paris va devenir sympa. On va avoir un autre football que celui qu'on a l'habitude de voir en France et à Paris avec le fameux 3 au milieu. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a vraiment les mains liées et qu'il peut vraiment pas faire ce qu'il a envie. Et même si tout entraîneur rêverait d'avoir un mec comme Neymar dans son effectif, je pense que devoir gérer et Neymar et Mbappé avec le montant des transferts, tu sens que le mec il est obligé de faire avec et qu'il peut pas forcément faire ce qu'il veut, quoi. Ouais, vous croyez que El Ralaifi, faisait Tapie à l'époque, est-ce qu'il efface tout le tableau avec la compo et puis que lui il rajoute les noms qu'il veut? Non, peut-être pas quand même. On va dire qu'il y a une pression sponsor médiatique et trucs comme ça, quoi. Nike qui doit taper à la porte en demandant la feuille de match avant, des choses comme ça. Non, mais j'imagine des trucs. Mais c'est possible. Ouais, non, c'est clair. Ouais. De toute façon, le foot de maintenant, c'est comme ça, quoi. Clairement. Mais un match vraiment insipide là de Paris avant un match de Ligue des Champions. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis mal exprimé. Je disais si à 0-0, c'est que personne n'a marqué, d'accord. Mais en fait, je voulais dire si Thomas Meunier marque pas, c'est ça que je voulais dire. Ça reste à 0-0, je pense. Hein. C'est sûr. Mais par contre, faut quand même souligner un beau match de Dijon. C'est quand tu compares. Dijon, ils ont quand même proposé quelque chose. Ils ont quand même ils ont quand même joué leur va-tout. Pour ce genre d'équipe où quand sur le tableau de marche ils se disent Paris c'est un match où on prendra pas de points, on va gérer, les mecs ils étaient à 2 minutes de décrocher au moins un point et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir vu un des plus beaux buts championnat. Pour le moment, ça fait partie des plus beaux buts du championnat, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc on épilogue sur ce match, on va passer au match de dimanche soir avec Strasbourg qui recevait l'Olympique de Marseille. Et le score final est de 3 partout, voilà, un beau match quand même à voir, c'était un beau match. Moi je vais vite fait parler de Marseille, je suis quand même déçu de ce résultat car je pense que... c'est vrai que Strasbourg a eu de la chance sur au moins 2 buts, hein, parce que voilà, ils étaient détournés ou Rami, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Alors je sais pas, il est pas attribué à Rami, hein, le but sur corner là, il est bien attribué à... C'est à Koné, je crois, hein, le deuxième but alsacien. Mais bon, moi, Rami, qui met une tête, a l'impression qu'il veut marquer contre son camp, j'ai pas d'autres explications. Voilà, je sais pas ce qu'il a voulu nous faire. Marseille, c'est un petit peu décevant, mais je suis quand même content car... ça fait au moins depuis 2 matchs qu'à chaque fois que Marseille est menée, Marseille arrive à revenir. Et ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu ce genre de prestation. Voilà. Mais malgré tout, ce 3-3, c'est un petit peu dommage. Parce que voilà, par 2 fois, Marseille a réussi à mener. Et pouvait même passer devant. Mais voilà, il y a eu ce gros problème défensif. Qui est assez inquiétant de la part des Marseillais quand même. On y a même vu encore ce soir en Europa League, malgré la victoire, ils sont quand même pris un but bête quoi. Et voilà, et je suis assez content de la rentrée de Mitroglou aussi. Je vais pas m'enflammer, hein, parce que c'est pas parce qu'il a marqué que ça y est, c'est le meilleur, il va nous planter 15 buts pendant la saison, hein, parce qu'on en a vu hein, des mecs. Je pense qu'il les mettra. Peut-être, mais bon, je vais pas m'enflammer parce que voilà, on attendait beaucoup là. Dans les saisons 2005-2006 ou 2006-2007 là, on attendait beaucoup de Jiménez, là, Christian Jiménez qui était venu à Marseille là, en disant qu'il pouvait remplacer, voilà, il pouvait planter au moins 15 buts en championnat, et puis il a marqué dès le premier match face à Ajaccio, puis après on l'a plus vu, c'était devenu une chèvre monumentale dans les méandres de l'équipe de l'OM. Mais je suis assez content de Mitroglou. J'ai vu des bonnes choses quand même des Marseillais, je te dis, là, de par exemple, d'être revenu par 2 fois, ça fait longtemps quand même que j'avais pas vu ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de lacunes, quoi, dans cette équipe de Marseille. Puis après, bravo à cette équipe de Strasbourg. Après, par rapport à ce match-là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que bon, quand tu vois l'effectif de Strasbourg, ils ont beaucoup de joueurs issus du national de Ligue 2. Oui, oui, oui. pas qu'ils ont forcément ce niveau-là, tu vois, mais les mecs, quand tu vois le match, ils sont dépouillés sur le terrain. Mais bon, ils voilà. ont eu une action qu'ils ont construite, mais magnifique, où ils tirent sur le poteau et puis derrière, ils la mettent à côté. Alors là, 4-2, voilà, là c'était pour le 4-2, ils pouvaient perdre facilement, ouais. là, Marseille s'était plié de toute façon à ce moment-là. Mais voilà, moi il y a juste un mec, c'est Rolando, je comprends pas pourquoi il s'obstine à mettre ce mec sur le terrain, c'est pour moi c'est le vilain petit canard de cet effectif. Mais c'est vrai comme tu dis Florian, bon. Hein ? Juste pour rappeler Rekic. Pour oui voilà ouais. c'est sûr. Non mais c'est clair, c'est clair. Et voilà, non mais enfin bon, c'est quand même une grosse contre-performance de Marseille et bon bah ça enchante ça pas. Monte la faiblesse, hein. Ça monte la faiblesse et voilà, ça rassure pas du match qui arrive dimanche quoi, de toute façon pour moi, ça sent une bonne fessée comme l'année dernière quoi. Ah mais bah, tu sais, moi, le pire, je connais ça, pour la fessée. Ouais, bon. Ah, vas-y, Gabi. Je voulais juste dire un truc, c'est que le pire, moi, c'est que je connais des Marseillais qui vont pas regarder le match. Ouais, à ce point-là. Non, je vais le regarder, je vais quand même le regarder, parce que voilà, je ne peux pas, à chaque fois, j'ai boycotté des matchs quand même, à l'époque où il y avait Anigo, parce que ça m'horripilait de voir ce genre de spectacle sur le terrain. Mais bon, j'avais toujours mon téléphone avec moi, avec le top but, en écoutant, enfin, en ayant toujours la petite application là qui me dit quand il y a un but. Mais non, je vais le regarder quand même, c'est un classico, même si c'est plus les classicos qu'on a connus dans les années 90, mais voilà, je vais quand même le regarder. Ouais, mais je suis pas confiant pour ce match-là, je vois pas Marseille gagner, alors un nul, ce serait quand même déjà un bel exploit, mais... Ouais, quand je te dis la fessée, c'est que voilà, s'ils montrent autant de faiblesses en défense, voilà quoi, ça risque d'être compliqué quoi. Ouais. Adil Rami, hein. Adil Rami, si... il est un peu lourd. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, non, ouais. Bon, en fait, je dis pas qu'ils vont forcément faire un résultat à Marseille, mais je pense pas qu'ils prendront une raclée parce que bon, moi il y a deux éléments qui me font penser qu'ils prendront pas une raclée. Mmh. En fait, dimanche, ils seront dans la peau de Strasbourg. Oui. Je pense que le Strasbourg-Marseille, s'il se joue le samedi à 20h, Strasbourg fait pas le même match. Parce qu'il y a le côté, on joue le dimanche sur à Canal. À la télé, voilà. Voilà, on va pas s'afficher, donc on va faire plus que ce qu'on fait d'habitude. Mmh. Et donc je pense qu'il y a ce côté-là, même si l'année dernière, il y avait déjà aussi ce truc-là. Mmh. Mais là, le truc, c'est que Marseille, ils sont sur le podium. Ouais, ils sont quatrième. Ils sont sur le podium. Voilà, on sait pas par quel miracle, parce que quand on voit le jeu, mais bon, ils ont pris les points, ils les ont pas volés. Et justement, le fait de jouer après tout le monde, selon les résultats, le match de Paris, ça, il peut valoir beaucoup plus que 3 points. Mmh. Et je pense que la motivation sportive, elle sera pas forcément dans la pseudo-rivalité Paris-Marseille, ouais. Mais vraiment sur le côté, s'accrocher au bon wagon. En tête du championnat. Mm. Je pense que même si c'est des joueurs moyens, je pense que ça sera une motivation beaucoup plus saine que d'aller taper du Parisien. Ouais. Et en plus, mine de rien, comme vous disiez, quoi, revenir de loin, parce qu'ils sont passés pas loin de la défaite de Strasbourg, ouais. Et ramener un point, ça booste, quoi, parce qu'ils enchaînent quand même les résultats positifs. Là, comme tu disais, j'ai vu qu'un seul but Marseille, j'ai pas vu le deuxième. Ouais. Mais en général, le jeudi, les Français, forcément en Europa League, là, Marseille, ils reviennent victorieux. Donc pour préparer le gros match de dimanche, je pense que les mecs ils seront pas mal, quoi. C'est confiant, c'est sûr. Voilà, ouais. je pense qu'il y a matière à avoir un beau match. T'es trop optimiste. C'est trop optimiste. Ah moi, ouais, mais moi, c'est trop optimiste. Ah moi, je paierais pour ce que tu as dit, hein, de pas forcément faire un résultat, mais de pas être ridicule, quoi, sur le terrain, quoi. C'est ah, juste oui. ça, c'est ah, sûr. Ouais. Non, après, moi, mon avis, il est surtout sur le côté ridicule. Je dis pas après que Marseille va forcément faire un résultat, mais je pense pas qu'ils seront ridicules. Je pense que c'est le genre de match où tu peux pas ne pas faire preuve de caractère. Et tu vois, les mecs, ça suffira pas. Ah oui, ah ouais, non, clairement. Ouais. Et tu vois, vous allez me dire que je suis un fou, hein, mais même s'il est à la cave, putain, ça c'est un match, faut faire jouer Evra, quoi. Mmh. Oh non, putain. I love this game. Tu veux vraiment qu'il parte par un gros score. Ah, de ça. Mais non, mais parce que non, mais parce qu'il est vrai, il ne fera jamais marcher dessus, même s'il est à la rue. Non, mais je pense que pour ce genre de match, il serait énormément motivé, ce mec-là, en fait. Ah ouais, non, mais non, non, mais si, ça. C'est ça le pire. Mais c'est pour ça que je dis ça. Ça suffira pas. C'est pour ça que je dis ça. Mais le supplément d'âme qui fait que tu peux exister dans ce genre de match, bah, un mec comme Evra, il peut te l'apporter. Mmh. Ah, mais comme Rolando, il te l'apportera jamais, tu vois. Non, Rolando, c'est... Non, mais physiquement, c'est fini, Evra. Tu peux plus. Ah oui, non, mais ça, je le sais, ça, je sais, mais... T'auras Mbappé ou Neymar sur son côté, il verra même pas le ballon. C'est... Regarde Anderlecht, t'as des jeunes qui étaient en défense, regarde. Ouais. Bon, ça va être catastrophique, moi je te dis. Hein. Evra, je pense que c'est un match où justement il débute le match, il se fait sortir à la 30e parce qu'il y a peut-être 2-3-0. Mais je veux pas être pessimiste vraiment pour l'OM, mais ça va faire très mal. Hein. Ça va faire mal. Ils se rendent pas compte, hein, je pense. Hein, et toi, Florian, tu penses quoi? Tu penses une fessée que va recevoir l'OM ou tu penses que. Bon, c'est ils vont peut-être perdre, mais pas de beaucoup, quoi. Bon, après, les gars, je suis pas pro-parisien ni anti-marseillais, mais quand je vois le match de ce soir, il va falloir que les Marseillais soient un peu plus concentrés ça, sur les coups de pied défensifs. Ah, ça, c'est parce sûr. Que, sur tous les coups francs, c'est panique à bord, quoi. Ouais. Après, je vois pas, à part si Marseille fait peut-être un pressing, s'ils peuvent gêner les Parisiens dans les relances, s'ils font un bon pressing à rigueur. Ils peuvent tenir et ouais, le match nul. Moi-même, honnêtement, le match nul, je pense que ça va être compliqué. Perdre avec les honneurs, oui, je veux bien, mais faire autre chose. Ça se croirait avec les inconnus, ça, avec les honneurs. Ouais. Ça c'est sûr. Voilà, bon, bah voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur ce Marseille, ce Strasbourg-Marseille. On va vite fait, avant de passer la Ligue des Champions, on va vite fait rappeler les autres scores de la journée. Caen qui a été battu par Angers 2-0. Guingamp qui bat le Stade Rennais 2-0. Alors le Stade Rennais, il y a eu un espèce d'imbroglio là la semaine. Le président du Stade Rennais plus l'entraîneur devait être viré. Voilà, c'est ce qu'on apprend lundi. C'est ce qu'on apprend lundi. Et là, gros imbroglio, Pinot qui a dit dans la presse que en fait non, il avait jamais voulu que le président et que l'entraîneur soit viré. Donc voilà, tout reste. Tout reste comme avant, quoi. Il reste comme avant. Voilà, il y a pas de changement. Bon, ça prouve quand même qu'il y a un sacré bordel au Stade Rennais en ce moment. Hein, il y a eu l'invasion un petit peu des supporters, mécontentement, et trucs comme ça. Il y a eu quelques insultes. C'était assez mouvementé. Lille, qui n'arrive toujours pas à gagner. Hein, deux buts partout face à trois. Hein, toujours pas de victoire pour les Lillois. Bah Saint-Étienne hein, qui fait un bon début de saison, hein, 3-1 face à Metz. Ensuite Toulouse qui bat Amiens 1-0. Nous avons eu alors un derby de comme ils disent de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes qui s'est soldé par un but partout. Et enfin Montpellier qui a battu Nice 2-0. Et au classement, donc on a le Paris Saint-Germain qui est premier avec 25 points. Voilà, ils ont pour le moment. Gagné presque tous leurs matchs à part le 0-0 face à Montpellier. Ensuite suivi de Monaco 19 points. Troisième Saint-Étienne 17 points. Suivi de l'Olympique de Marseille 17 points. Et dans le bas du classement, nous avons 17e Amiens, 18e Strasbourg, 19e Dijon et le dernier, Lanterne Rouge, Metz avec que 3 points. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue 1. Et maintenant on va passer à la Ligue des Champions, qui s'est joué mardi et mercredi. On va tout de suite commencer avec le match de mardi qui opposait Monaco et Beşiktaş. Et Monaco qui devait tenter de se relancer après cette lourde défaite la dernière fois face au FC Porto. Et malheureusement, Monaco qui perd 2-1. Pour toi, Joseph, est-ce que tu vas c'est fini pour Monaco, non? Tu crois qu'ils peuvent encore faire quelque chose dans cette Ligue des Champions? Alors, c'est mon naturel optimiste qui me dit que c'est pas fini. Ouais. Et je vais pas sortir le classique qui reste des points à prendre et que c'est faisable. Mm. Mais si je pense que si Porto avait battu le RB Leipzig, je vous aurais dit c'est mort. Je vous aurais dit c'est mort. Ouais. Mais le fait qu'ils aient battu Porto fait que la deuxième place. Fait que la deuxième place elle reste accessible pour tout le monde. Et même si Beşiktaş, ils sont voilà, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Ça reste que Beşiktaş. Ça reste que Beşiktaş. Et bon, j'ai pas vu le match entier, hein, donc j'ai pas faire le mec qui se raconte. Je fais le débrief. Mais sur ce que j'ai vu, ben les gars, ils ont de la réussite. C'est pas foufou. Enfin, c'est pas. Voilà, il y a des noms, mais c'est des noms, c'est des mecs cramés, quoi. Enfin, quand on voit Pep sur le but de Falcao, il fait peine à voir, quoi. Enfin, voilà, Beşiktaş, voilà, j'ai même allé super loin. Même avec leurs 9 points, moi, je serais eux, je saberais pas le champagne non plus, quoi. Parce que le groupe, il reste quand même super ouvert. Nous, on a une, enfin, Monaco a une réussite il a la réussite qui fuit, et puis je me dis, bah à un moment ça va payer un jour ou l'autre. Ça doit passer. C'est pareil, là on parle de Pep, mais à un moment il a bien fait une énorme faute sur Baldé, je crois. Et les derniers défenseurs ne reçoivent qu'un carton jaune. C'est rouge, ouais. Normalement. Ouais. Non, on est d'accord. Surtout en Champions League, où l'arbitrage doit être sévère. Et là, il se reçoit qu'un jaune, et je pense que si Pep avait été expulsé, ça aurait été un autre match. Ouais. Bon, par contre, après les buts, les buts qui sont pris, ça commence à devenir des grands classiques, quoi. Ouais. Voilà, enfin le mec tout seul au premier qui met la tête. La défense inexistante sur les deux buts, c'est quand même dingue ça. L'action sur le côté où on voit Touré, il est complètement désintéressé de ce qui se passe. J'avais l'impression que c'était Sidibé, j'ai l'impression que c'était le clone de Sidibé. C'est ça en fait qui est gênant, c'est que Monaco prend toujours les mêmes buts, quoi. Donc à un moment, ça va rentrer dans la tête des mecs, quoi. Ou sinon ça veut dire qu'on touche les limites du système. Quand je dis les limites du système, c'est que t'as des mecs qui viennent qui sont juste de passage et qui s'investissent pas dans le projet. Ouais, mais c'est 4 ans plein pour eux, quoi. Ouais, voilà, mais le problème, c'est que pour que le tremplin il fonctionne, faut être performant en Ligue des Champions. Faut être performant en Ligue des Champions. Voilà, tout à l'heure on parlait de Keita Baldé. S'il est venu à Monaco pour pouvoir rebondir au Barça ou à Manchester City, le mec, on sent qu'il a du ballon, mais il y a une inconstance. Il reste 3 matchs, si tu fais 3 matchs comme ça, ton téléphone il va pas sonner, mec. Ouais. À un moment il faut progresser. Et je pense que ça va être plus dans la tête que dans les pieds. Mais j'ai envie d'y croire. Moi j'ai lu des papiers où en gros il y avait écrit que c'était déjà fini et que il y aura plus de Coupe d'Europe pour Monaco. Je les vois bien terminer en Ligue Europa, mais je les vois pas terminer dernier, hein. J'aimerais qu'ils finissent pas dernier. C'est pour vibrer au moins un petit peu plus quand même, voilà. pour vibrer au moins au printemps. Et je vais lâcher un truc. Moi, c'est facile parce que maintenant la compète elle est bien entamée. Mais au tirage au sort, je sais plus si on avait parlé pendant le podcast, mais au tirage au sort, je m'étais pas du tout enflammé justement quand tout le monde disait Monaco est favori. Et moi je disais, mais justement, c'est peut-être ça le danger. Ouais. C'est que les deux dernières campagnes, c'était des groupes équilibrés, comme là, mais c'était même pas un outsider, c'était des chapeaux 4. Tout le monde pensait qu'ils allaient passer à la trappe. Et du coup, cette casquette de favori, on se rend compte qu'elle n'est pas si simple que ça à gérer. Et je m'étais dit, si on sort de ce groupe-là, ça va être compliqué. Et j'étais même parti dans un délire, on finit troisième et on va gagner l'Europa League. Comme ça, au moins, le foot français gagnera une Coupe d'Europe. Ça pourrait. Pourquoi pas. Enfin, ce serait un beau scénario quand même, quoi. Enfin, ce serait le meilleur scénario possible pour Monaco. Parce qu'après, s'il passe en huitième de finale, admettons, là, je pense que cette année, ça va vraiment être compliqué. Parce que avec ce qu'ils proposent en ce moment, avec les problèmes sur les ailes et trucs comme ça, ça va être compliqué contre les très grosses écuries, quoi. Ouais. Mais moi je vous dis sincèrement, Joseph, par rapport à ce que tu dis, moi je suis pas du tout optimiste parce que je vois pas où ils vont prendre des points. Surtout à Beşiktaş. Je vois pas. Je le vois gagner peut-être contre Leipzig chez eux, mais Leipzig aura peut-être un point de plus à la fin au classement. Ils vont finir bon dernier, Monaco, malheureusement. D'ailleurs, j'ai vu une stat pour Beşiktaş, c'est leur 12e match européen sans défaite. Parce que malgré qu'ils aient perdu contre Lyon en Europa League l'année dernière, ils ont perdu qu'au tir au but. Et voilà, ils avaient fait match nul. Et voilà, donc Beşiktaş c'est quand même une bonne équipe européenne. Ah oui, ouais. Non, c'est. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas... C'est pas Dortmund, c'est pas... Voilà. Mais... c'est ça. Après, je pense que Monaco, enfin, voilà, c'est eux, en gros, voilà, c'est eux, c'est même pas les... Ça va pas dépendre des autres, quoi. Ça va vraiment dépendre d'eux, si... Voilà, moi, j'y crois, parce que je suis supporter, mais voilà, faut que les joueurs, ils y croient, et si... Voilà, si les mecs, ils se remettent la tête à l'endroit... En défense, ouais, surtout. C'est ça, bah, quand... Quand on voit ben, un mec comme la charnière, quand tu vois la charnière d'Emerson Glick, qui était super solide l'année dernière, et là depuis le début de la saison, où tu vois ben, les mecs ils font plus peur à personne, des fois tu te dis, bon même si la Ligue des Champions ça reste particulier, ben, les mecs mêlent en concurrence, t'as fait venir Kongolo, le mec il joue jamais, oui. et quand il joue latéral gauche alors que le mec il est défenseur central de métier. Instaurer une concurrence pour que les mecs qui se bougent, quoi. C'est vrai qu'on parle souvent de concurrence pour les mecs pour les postes offensifs et rarement pour les postes défensifs parce que ouais effectivement il y a des automatismes à avoir et tout, mais voilà, enfin les gars bougent, sans l'aide de leur confort, quoi, et peut-être que c'est comme ça qu'ils vont retrouver leur niveau, quoi. Et toi Florian, tu penses que c'est que Monaco ils ont des chances de passer en 8e, enfin d'être au moins 2e? Bah après, quand tu regardes les matchs qui arrivent pour Monaco, ils ont deux matchs à l'extérieur, à Porto et au Beşiktaş. Après, ça va pas non plus être facile, mais faut pas non plus oublier que Monaco, ils sont en construction. Alors, leurs meilleurs joueurs, ils sont partis au Mercato. C'est peut-être pas évident non plus de tout recommencer à zéro. Jardim, il recommence, il a une année tranquille et l'année d'après, il rebâtit une équipe, tout ça. Donc, ça doit pas mal cogiter dans sa tête non plus. Après, au pire, ouais, je les vois bien troisième, arracher la troisième place. Parce qu'avec le calendrier qu'ils ont, les deux déplacements à Porto et puis au Beşiktaş, si niveau défensif, ouais, ils ne relèvent pas la tête, parce que le deuxième but qu'ils se prennent contre le Beşiktaş, c'est exactement les mêmes que contre Porto, quoi. Ah oui. La frappe sur le poteau et personne qui suit derrière ou réagit, c'est exactement le copier collé. Ah ouais, ce but-là, on le prend toutes les semaines. C'est gros souci, ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'était tous les matchs. Enfin, c'était le match de mardi. Alors, je vais rappeler les résultats des autres rencontres de mardi. Alors, il y a eu un alléchant Real Tottenham avec. Alors, j'ai pas vu le match, mais il paraît un très très bon Lloris qui a, je pense, sauvé par plusieurs fois son équipe. Donc, victoire finale 1 partout. Tottenham mené au score et c'est Cristiano Ronaldo qui égalise, je crois, sur penalty, hein, c'est ça, non? Ouais. Je crois, hein, c'est sur penalty, ouais, voilà. Mais il paraît, voilà, que Lloris a été vraiment impérial pour ce match-là. On a eu des bons arrêts réflexes. Voilà, exactement. Ouais. Mais par contre, Ronaldo a été très maladroit. Ouais. S'il n'était pas en jambes, tu voyais que c'était le Real Madrid poussif du début de saison en Liga, hein, ouais, contre Retafe, etc. C'est moyen le Real en ce moment. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le tweet de Lineker. Qui a dit que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Non, sur Benzema. Sur Benzema, ouais. Vas-y, tu peux le répéter si tu veux. Ouais, ouais, alors en gros, il a dit ouais que il s'attend, que pour lui c'était pas forcément un grand joueur et que c'est facile de mettre un but de temps en temps quand on joue dans une équipe comme ça. Donc moi ça m'a fait sourire, quoi. c'est un peu pas forcément derrière Lineker, mais voilà, enfin lui mettre des buts, il sait ce que c'est, quoi. Il sait ce que c'est, ouais, mais bon, après c'est peut-être un peu gratuit aussi, quoi, ce genre de truc. Après, c'est sûr que t'as les attaquants, t'as les bons attaquants qui vont mettre le but, le premier but, et puis après t'as des attaquants, bah eux ils vont te mettre le troisième, le quatrième but. Ouais. Voilà, donc après c'est vrai que t'as c'est vraiment. C'est peut-être une façon de dire. Voilà. Bah, quand on parlait de Cavani tout à l'heure, c'est dans le genre tueur, c'est peut-être une façon de dire que Madrid sera sûrement revenu avec les 3 points s'ils avaient un vrai killer devant, quoi. Voilà, ouais, c'est pas faux. Voilà, ensuite il y a eu un très bon Manchester City contre Naples, et victoire de Manchester City qui est en ce moment vraiment en forme, donc qui a battu Naples 2-1. Feyenoord a perdu face Shakhtar Donetsk 2-1 chez eux. Ensuite on avait dit Leipzig qui bat Porto 3-2. Liverpool qui s'est baladé en Slovénie en battant le Maribor 7-0. La grosse score de Liverpool. Le Spartak Moscou qui a battu une faible équipe de CI 5-1. Dortmund n'a pas pu faire mieux qu'un 1 partout contre Nicosie, à Nicosie en plus, voilà, donc bon résultat pour Dortmund, Nicosie. C'est fou, ouais, c'est quand même, là c'est une grosse contre-performance quand même, hein, parce que c'est vrai que... Surtout quand tu vois la poule... Ouais, c'est assez... Quand tu vois la poule dans laquelle ils sont, ça fait peur. Quand tu vois la dernière action que loupe Aubameyang aussi dans les arrêts de jeu, je sais pas si vous l'avez vu, mais... Non, j'ai pas vu malheureusement, ouais. Une tête à bout portant qui finit sur le poteau et le défenseur derrière qui sauve en catastrophe dans le but vide, enfin c'est... Ouais, manque de chance quoi. Ouais, là franchement, et puis bon, les petites équipes comme ça, elles accrochent, hein, Nicosie, les petites équipes comme ça, chypriotes, elles vont te faire, on va pas dire le gros mot, mais elles vont bien t'embêter et puis bien t'accrocher, là tu perds des points faciles quoi, contre des équipes comme ça. C'est sûr. Voilà, et on passe au match d'hier. Alors juste avant de parler d'Anderlecht Paris, je vais juste rappeler vite fait les matchs. Alors, l'Atlético Madrid qui n'arrive pas qui n'a pas gagné à Karabag et qui font que 0-0. Là, c'est quand même une grosse contre-performance de l'Atlético Madrid. Ouais, catastrophique, hein, sincèrement. Faire 0-0 à Karabag, alors sans manquer de respect aux joueurs, mais quand même, enfin c'est là pour le coup Karabag, ils sont heureux parce que voilà, c'est un très très bon résultat pour eux quoi. Bah, c'est un France-Luxembourg. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ensuite... Ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas que les clubs français qui se gaufrent devant ce genre d'équipe. Quoi. Bon, ils auraient pu perdre aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ensuite, la Juve a difficilement battu le Sporting 2-1. Ensuite, c'est Barcelone qui bat l'Olympiakos par 3-1 avec un but de Lucas Digne. Hein, faut quand même le souligner qu'un Français a marqué pour Barcelone. Voilà, Manchester. C'était son meilleur match à Barcelone. Ah bah peut-être, ouais. Pourquoi pas. Hein. Manchester qui a battu difficilement Benfica. Bon, à Benfica, c'est jamais facile de gagner de jouer là-bas, mais voilà, ils ont gagné 1-0. Bah, ils s'étaient pris 5-0 à Bâle aussi, à Benfica. Ouais. Donc, Benfica, c'est pas l'année de Benfica, c'est sûr. Et il y a eu un très très beau Chelsea-Roma aussi avec un score final 3-3. Voilà, quand même. Il y a eu des buts. Il paraît qu'il y a eu un superbe but de la Roma aussi. Je crois que ça doit être pour le 2-1 ou un truc comme ça. Un superbe match. Et donc on en arrive à ce Anderlecht Paris Saint-Germain. Bon voilà, moi j'avais vu l'avant-match en disant attention Paris. C'est vrai, ils ont peiné contre Dijon, contre Anderlecht, ça peut faire la même. Mais bon, ben voilà, Paris. Alors, on peut pas dire qu'ils se sont baladés, mais voilà, ils ont quand même remporté haut la main ce match 4-0. Anderlecht a quand même eu pas mal d'occasions, mais Areola a quand même fait un bon match hier. Il nous a montré que ça pouvait être un très bon gardien. Et Gabi, je te laisse un petit peu parler de ce PSG-là qui, c'est pas vraiment. Ils nous ont pas étonnés parce que voilà, pour eux, là, c'est un sans faute pour le moment dans cette Ligue des Champions. Bah, on retrouve toujours Paris dans les matchs de groupe de début de saison justement en Champions League ça leur permet un peu de s'échauffer, de prendre leur marque dans les groupes. On a vu des matchs comme ça au Shakhtar à une époque où il y avait Ibrahimovic. C'est des matchs sans danger, c'est des matchs tu peux tester des choses, des formations différentes. Bon, ils sont restés toujours avec leur 4-3-3, mais il n'y a jamais eu vraiment de danger. À un moment donné, ils ont laissé la balle en Anderlecht pour les prendre en contre une deuxième fois après avoir ouvert le score. Ouais. Parce que Mbappé, justement, tu vois, ce que tu disais, Joseph, là, pour une fois, Mbappé, il a joué dans son vrai rôle, j'ai trouvé. Il a bien joué. Comme à Monaco, il avait fait l'année dernière. Et il a pris des initiatives, justement, en frappant, en essayant de marquer plus que de jouer collectif et de s'effacer dans le groupe quoi. Il a pris ses responsabilités, je trouve, un peu dans le match. Et t'as l'impression qu'il est de plus en plus présent et de plus en plus complice avec Neymar. Alors je sais pas si c'est une bonne chose pour Cavani dans le futur, parce que tu sens qu'il y a, je sais pas si vous avez ressenti ça pendant ce match, mais il y a certains moments où Neymar en fait il jouait un peu tout seul. et il n'y avait pas forcément de passe pour Cavani. Il y avait tout. T'as l'impression qu'il y a encore les conséquences. Du penalty encore. Ouais, de l'histoire qu'il y a eu dans le vestiaire après le match. T'as l'impression de ça en fait. Mais malgré tout, bon, Paris c'est une équipe qui déroule, qui a pas besoin forcément de maîtriser le match parce qu'ils vont tellement vite en contre, ils sont tellement rapides sur les moindres ballons, sur les ailes. Tu vois les accélérations d'Mbappé, ça efface 2-3 défenseurs d'un coup. Il est beau son premier but, hein. Parce que franchement, il frappe quand même d'un angle assez fermé. Il a de la chance, hein, parce que ça passe vraiment sous le. Ah, il veut le faire de toute façon. Hein. C'est ça qu'il veut. Ça passe sous la cuisse du gardien, mais tu vois, le gardien aurait une inclinaison un petit peu plus basse. Il arrivait à arrêter le ballon, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, ça prouve qu'il est en forme. Ça prouve que voilà, c'est un très très beau but. Pour moi, Mbappé, enfin c'est un de ses meilleurs matchs pour le moment là, avec le Paris Saint-Germain. Là. Parce qu'il jouait vraiment, comme tu dis, à son poste. Ouais, pour la petite anecdote aussi, on a vu les supporters parisiens qui ont eu une panne de bus en fait lors du trajet pour aller à Bruxelles et en fait ils ont dû rentrer une fois le match commencé pour justement qu'il n'y ait pas de conflit avec les autres supporters. Et on les a fait rentrer 7-8 minutes après le début du match en fait dans la tribune. D'accord. Et ils ont gagné 3-0 quoi. Voilà. Ouais, voilà, ils ont raté le premier but, ouais. Mais c'était un match vraiment facile sans difficulté pour Paris. Mais moi, s'il y a une critique à dire, c'est que des fois, enfin, franchement, ils auraient pu gagner 6-0 ce match, même plus. Ah, ils peuvent. Mais je trouve qu'à chaque fois, il y a toujours un truc, ils tentent des trucs à un moment, là, c'est qui a tenté un espèce de piqué, une belle piqué, qui était complètement loupé, puis après Mbappé il loupe complètement sa frappe, ça doit être en seconde période, mais des trucs comme ça, ouais c'est Cavani je crois, ouais ça doit être ça, ouais. Mais enfin des trucs comme ça font, t'essayes, enfin d'accord même si tu mènes 3-0, mais enfin des trucs comme ça, ça doit rentrer, il y a plein de trucs quand même qui font, qui sont nuls quoi, ils sont quand même les mecs, non mais c'est vrai, enfin je sais pas, mais 4-0 j'ai l'impression que les mecs ils vont se contenter de ça, mais je suis sûr qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Ils peuvent gagner, suffit, ils peuvent gagner 6-7-0 aisément s'ils arrivent vraiment à s'appliquer dans leurs gestes, quoi. Ah, mais c'est l'équipe type Anderlecht qui peut se prendre 6 ou 7, c'est sûr. Ouais. Parce que quand tu vois Liverpool qui a fait le taf à Maribor, Atlético Madrid, pour revenir sur eux, il doit faire le taf à Karabag. Hein, jouer simple et concrétiser les actions, quoi. Mais tu vois, Joseph, regarde, pour parler du match de Monaco, il y avait un truc aussi qui m'a chagriné, que plein de gens ont dit, c'est vrai que l'histoire de changer de formation à chaque match, c'est un problème pour Jardim, j'ai l'impression, parce qu'il n'arrive pas à trouver son équipe de départ, contrairement à Paris qui garde le même système et qui maîtrise, même en gardant le même gardien, tu vois, aussi, il y a ça. Là, t'avais Subasic qui revient, qui fait 2-3 erreurs contre Lyon, parce qu'on a oublié de parler de ça, Subasic contre Lyon, il est pas bon, hein. Tu vois, vous vous rappelez des buts qu'il se prend ? Non, c'est clair, mais après, je pense que ce qui aide pas Subasic, c'est un peu comme pour Lemar, hein. Il était blessé, le mec, il est revenu vite pour pouvoir aller en sélection, et en plus, là, pour le coup, cette année, il a une vraie concurrence, quoi. J'ai l'impression qu'on va un peu rentrer dans le souci comme pour les Parisiens, Trapp, Areola. Voilà, quand t'as deux gardiens d'à peu près le même niveau. Et à un moment, il faut faire un choix. Et là, pour l'instant, il joue parce que c'est lui l'ancien. Mais si Benaglio continue de pousser comme ça, ça va être compliqué. C'est bénéfique pour Monaco, je pense, peut-être. Ah oui, oui. Oui, enfin après, ce sera bénéfique si la concurrence, elle est saine. Parce que c'est vrai que si t'as un mec qui fait le taf quand il joue, quand tu vois Benaglio, les prestats qu'il a fait, et qu'à un moment, le gars à l'entraînement, s'il donne la même chose et qu'il sent qu'il mériterait plus de jouer que Souba, ça peut poser problème, quoi. Mais bon, on va rester sur Paname. Et je peux juste rajouter un truc sur Paris. Ce que j'aime bien dans le Paris version Ligue des Champions, c'est cette volonté d'aller marquer très tôt. Et on regarde à chaque fois, en fait, ils marquent vite et du coup ils arrivent à se rendre le match facile. Et c'est ça que je trouve intéressant, même si ça reste que les matchs de poule, du coup ils font peut-être moins d'efforts. Normalement ça devrait être bon, s'ils tapent Anderlecht au parc sur la prochaine journée, j'ai envie de voir si Emery va faire tourner pour justement faire que tout le monde soit concerné. Parce c'est vrai. Comme on disait tout à l'heure, il fait pas tourner en championnat sur les petits matchs. Est-ce qu'il va se permettre de le faire sur les matchs de Ligue des Champions? Parce que voilà, on sait tous que l'effectif de Paris il est plutôt bancal et que si tes mecs tu les crames déjà à la mi-saison, c'est pas cette année que tu gagneras la Ligue des Champions quoi. À un moment, t'as des gars, faut les préserver. Je pense. Faut les manager. Voilà. Voilà, Neymar, tout Neymar qu'il est, à un moment préserve-le. Les mecs comme Rabiot, c'est même si c'est un profil que t'as pas forcément en nombre dans ton effectif, sur les matchs où t'as pas forcément besoin de lui, n'hésite pas à le mettre sur le banc pour lui faire comprendre que le mec il est pas indispensable. Parce qu'on en parle pas beaucoup de Rabiot, toi le match de samedi, il s'est encore payé la tête de tout le monde quoi. Si t'as pas envie de jouer Sentinelle, joue pas, mais arrête de faire semblant parce que là il fait ses chichis à Paris ou même en équipe de France. Le mec qui se permet de le faire en équipe de France, alors que demain s'il part dans un grand club étranger, il baissera la tête, il dira rien, il fera le job quoi. Ah bien sûr, ouais, donc j'espère qu'Emery il profitera de la qualif rapide que je souhaite à Paris pour justement faire de manière que tout le monde soit concerné quoi. T'auras peut-être un Pastore titulaire avec un Lo Celso qui rentrera en deuxième période, mais De toute façon là qu'est-ce qu'il faut pour Paris pour qu'il soit qualifié là, c'est battre Anderlecht la semaine prochaine en tour. Si battre Anderlecht, et après c'est bon, après voilà, ils peuvent faire tourner. Terminer premier surtout quoi. Ouais, terminer premier, ouais. Ouais, voilà. Non, parce que tu vois, enfin même s'ils perdent à Munich, voilà, je pense pas qu'ils iront prendre une rousse, toi, parce que ils ont plus de 3-0, quoi. Ouais, voilà, tu vois, ils ont bien gagné. J'ai oublié de dire le résultat du Bayern, d'ailleurs, qui ont gagné 3-0 le Bayern, le Celtic, pardon. Voilà, le Bayern se relance, mais on verra bien ce que vaut le Bayern chez eux face à Paris, quoi. Est-ce que Paris peut Est-ce que peut faire Paris? Je pense que ce sera un autre grand test pour Paris d'aller jouer au Bayern. En plus, le Bayern qui a changé d'entraîneur. C'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et là, je suis pas sûr que contre le Bayern, il va falloir faire tourner. À la rigueur, tu peux faire tourner contre Anderlecht, là, le match qui arrive la semaine prochaine. Il peut se permettre. Anderlecht, ils ont eu quelques occasions, mais après, ça reste une équipe de seconde zone quoi, Anderlecht. Le sous-truc qui m'a fait peur, moi, vous avez vu, c'est le débordement du c'est Mbodji, leur attaquant à Anderlecht, c'est ça qui s'appelle, je crois hein, normalement. Le débordement qu'il nous a fait sur Dani Alves en première période là, moi j'ai eu peur là quand j'ai vu Dani Alves se prendre 50 mètres sur 10 mètres quoi. Tu vois, comme disait Courbis, Patrice Evra, il s'est pris 50 mètres sur 10 mètres, c'est ça, ouais. Mais typiquement, tu vois, tu parles de Daniel Alves, moi je pense à des mecs comme ça, hein, dans la gestion de la saison. Daniel Alves, il pourra pas jouer tous les matchs au niveau qu'il montre en ce moment, quoi. Le mec, il a quel âge, 34, 35. Voilà, un moment, le gars, vous allez le cramer, quoi. C'est, l'année dernière, à la Juve, il jouait pas tout le temps, quoi. Ouais. Ah, c'est certain. Donc, non, en tout cas, comme dit Nico, Bayern, faut pas faire tourner, parce que là, tu peux avoir une grosse déconvenue, peut-être en perdant 4-0 si tu fais le con. Ouais. Et faut surtout pas jouer à ça et prendre de haut les. Ce serait des points perdus bêtement, et ça, c'est pas. Tu finis deuxième. Ouais, tu finis deuxième, et puis deuxième encore, on reconnaît encore les. Si c'est pour retrouver encore les mêmes adversaires à chaque fois, quoi, c'est chiant, quoi. Non, mais c'est clair. Surtout quoi. Tout là, on part sur une année où a priori il n'y aura pas de surprise quoi. Autant d'habitude, il y a toujours des petites surprises, que ce soit dans le nom de ceux qui sortent ou dans l'ordre. Dans l'ordre premier, deuxième. Autant là, on est vraiment parti pour que les favoris soient premiers et que les chapeaux 2 soient deuxième, quoi. Ouais, c'est sûr. Et toi, Flo, alors un petit peu ce match Paris, c'est aisé, quoi. Elle t'impressionne un peu cette équipe de Paris cette année ? Par rapport aux autres années de l'ère QSI, par exemple ? Surtout défensivement, parce que là, ils ont toujours cassé aucun but là depuis le début des phases de poule. En Ligue des Champions, c'est pas simple d'avoir trois matchs, mettre autant de buts et de pas en encaisser, tout simplement. Ouais, c'est sûr. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est sûr. Et bon, après, ce que vous avez dit, c'est un peu ce que je pense ou ce que je voulais dire, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, enfin, ce que j'ai écouté aussi, c'est qu'Mbappé, c'est le premier joueur à moins de 20 ans à avoir inscrit 8 buts en Ligue des Champions, hein. C'est quand il même. Sur deux saisons ou ouais. sur une saison? Deux saisons. Sur deux saisons. Ouais. Enfin, c'est quoi? Ouais, en général. De toute façon, à chaque fois que tu mettras un but, on va nous sortir une stat de record précoce. Oui, voilà. Bon, bah, ouais. voilà. Ils sont obligés. Ils aiment bien hein, tout ce qui est record ouais. et trucs comme ouais. ça. Mais bon, ouais, c'est ça, pour ouais. dire qu'il est quand même impressionnant, quoi. Ouais. Ah, c'est certain. Hein. Mais même là, vous avez vu son interview encore qu'il a faite, je sais plus avec qui, là, que j'ai vu. T'as l'impression qu'en, je sais pas, comme a dit Neymar, t'as l'impression qu'il a 30 ans quand il joue, en fait. Ouais, c'est tu vois, ça. La maturité. Ouais. Et c'est un mec qui est passionné de football, en fait, qui regarde beaucoup les matchs. Il se cache pas du fait qu'il regarde ses matchs quand il rentre dans l'avion, pendant que les autres jouent, en fait. Il regarde tous ses gestes pour tout améliorer. Il me fait penser un peu à, tu sais, à Thierry Henry qui analysait beaucoup les stats, ouais. en fait. Thierry Henry, ouais. Et qui, mais... C'est dingue, c'est vrai que maintenant tu me fais penser, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui s'intéressent vraiment au foot au général. Et ouais, t'en as peu qui vont se dire tiens, ils ont fait quelle équipe, ils ont fait quel résultat eux ou tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon jeu. Non, t'as peu de joueurs maintenant qui s'intéressent vraiment au football, quoi. Ils jouent, ils gagnent leur pognon, et puis ils vont chez le coiffeur, et puis c'est tout. Non, mais c'est vrai, ouais. t'en as très peu maintenant. Hein. Malheureusement, on va dire que les très bons joueurs, je pense que c'est ceux qui s'intéressent le plus au football, hein, à mon avis, dans la continuité surtout. Hein. Tu peux être bon sur 2, 3, 4 matchs, mais si tu t'analyses pas tes erreurs pour t'améliorer, tu progresses pas. Tu progresses jamais. Hein. Ouais, quand tu vois tous les mecs là qui avaient en équipe d'Angleterre à l'Euro 2016 là, les Dele Alli et tout ça, le temps qu'ils ont mis à s'améliorer dans leur façon de jouer, ils ont mis pratiquement 2 ans. Ils ont perdu 2 ans de leur carrière là, je trouve. Pour après peut-être qu'on les avait montés trop vite, j'en sais rien. Ah ouais. Et l'équipe d'Angleterre devait faire un carton à l'Euro et finalement regarde tous ces mecs là. City, on les retrouve que cette année, non, aussi, c'est pareil, hein, ils ont été champions en quelle année, en 2012 ou je sais plus combien. Ouais, 2012, Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué sur leurs acquis, hein, qui, voilà, ils ont été champions, ils ont arrêté de jouer, hein, ils ont arrêté pratiquement de progresser. 2010 même, je crois, plutôt. C'est pas si vieux que ça, hein, le titre de champion qu'il y avait. Ouais, non, parce qu'il y a une actrice, ce que j'allais dire, ouais. Non, mais si tu vois cette année par exemple, je pense qu'il faudra faire très attention à City, Chelsea, Liverpool même. Liverpool, ça va être hyper compliqué de les jouer, je pense. Mais c'est toujours compliqué de jouer là-bas, de sur un match aller-retour, ouais. C'est sûr. Bah, croire que les Anglais cette année, ça va être compliqué. Contrairement les à Anglais reviennent, voilà. Non, mais c'est sûr. Il fallait bien qu'ils reviennent un jour, hein. Il y a une grosse période de latence. Là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Métal. Voilà, bon, écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette Ligue des Champions. Est-ce que vous voulez, avant qu'on se quitte, parler de quelque chose en particulier sur la semaine qui s'est passée? Personnellement, j'ai pas de revendication. Ouais. Hein, Joseph, non Moi, peut-être rebondir rapidement sur ce qu'on disait là, sur Rennes. Bah, ouais. C'est pas très intéressant parce que c'est Rennes. Oui, mais bon, faut quand même en parler parce que de toute façon, c'est dans les autres. Non, parce qu'on avait fait, on avait fait un petit jeu de pronos, un petit jeu de pronostic, quel allait être le premier entraîneur à être viré, qui allait sauter. Et en rigolant, je sais plus qui avait dit Gourcuff, mais il n'en était pas loin. Ouais, voilà, ouais. Enfin, moi je me rappelle, j'avais hésité entre Ranieri et Gourcuff, et j'avais dit de toute façon à Rennes on s'en fiche. Et moi ce qui m'a gêné dans cette histoire, c'est que ça s'est pas fait déjà, le fait que Gourcuff saute, mais surtout qu'il y a des noms qui ont été sortis, et moi j'ai pas réussi à comprendre comment on peut dire Galtier arrive. Galtier, ouais, c'est vrai. Voilà, comment on peut dire que Galtier arrive, et puis finalement le lendemain de dire ah oh ben non en fait y a rien quoi. Donc déjà Rennes ça va pas très bien. C'est un manque de respect déjà. Ouais c'est ça, donc déjà Rennes ça marche pas très bien et je pense que ça va pas les aider. Et voilà, bah Pino, voilà, si tu prends un club, c'est pour le faire tourner. Vas-y, à un moment t'as un grand patron, montre que t'as un vrai patron quoi. Voilà. C'est bien de déléguer, mais à un moment, voilà, enfin, on pourrait avoir un autre grand club en France. Et en fait, il y a rien qui tourne dans ce club-là pour que justement ça soit une place forte du foot français. C'est sûr, bien dit. Florian, une petite dernière chose à dire? Bah, je voulais parler de Rennes, mais bon, c'est pas grave. Hein, mais tout a été dit. Je voulais juste parler du match que Lyon fait en ce moment parce que je le suis un peu à la télé. Ouais, bah là, il mène 1-0, la but sur penalty de Fekir. Mais franchement, c'est un bon match. Everton, il joue bien. Lyon aussi. Franchement, il y a rien à dire. Là. Je me fais plaisir en regardant le match parce qu'il y a. Il y a des bonnes combinaisons, là. Franchement, les Lyonnais, ils m'impressionnent comment ils jouent, là, en 1-2, en balle en profondeur. Là. Il y a des petits jeunes qui jouent en plus ce soir. Ouais. Genesio a fait tourner l'effectif, tout ça. Il y a des petits jeunes qui sont rentrés, là. Donc, franchement, je suis impressionné du match de Lyon et j'espère qu'ils vont gagner. Il y a juste une petite bagarre générale, là. avec Williams qui a fait un geste vraiment lamentable hein, sur Anthony Lopez en le poussant. Dans le contrebas en fait qui est près de sa ligne de but et il a failli atterrir dans les panneaux publicitaires là et l'arbitre n'a mis qu'un jaune. Il y a eu une bagarre générale pendant 3-4 minutes, l'arbitre a laissé faire, il a mis qu'un jaune aux deux joueurs. C'est assez lamentable l'arbitre. Il y a un petit souci avec les arbitres en ce moment. Ouais. C'est sûr. Je vais vite fait rappeler les scores là des clubs français c'était en fin d'après-midi. Donc Nice qui a perdu contre la Lazio à Nice par 3-1. Et Marseille avec Cardinal. Et Marseille qui a battu difficilement Vitória Guimarães par 2-1. Mais bon, Marseille qui se relance un petit peu dans cette Ligue Europa. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette semaine riche en football. Merci les gars d'avoir participé à cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de la bande à Baggio. Bonne soirée à tous, salut. Avec plaisir, salut tout le monde. Salut.